السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سبحانه وتعالى dans son noble livre nous dit, sur la traduction des sens de ces versets: par le temps, l'homme est certes en perdition, exception faite de ceux qui ont eu la foi, accompli les bonnes œuvres, se sont enjoints mutuellement la vérité et mutuellement l'endurance. L'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris, rahimahullahu ta'ala, a dit de cette sourate: لو تفكر الناس في هذه السورة لكفتهم. Les savants rapportés de l'imam al-Shafi'i, ce grand imam, rahimahullahu ta'ala, si les gens avaient médité cette sourate, celle-ci leur aurait été suffisante. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comment est-ce que l'homme est réussi sur sa propre personne et comment est-ce que par la grâce d'Allah azza wa jal, il fait réussir les autres. Quant à sa propre personne, il la réforme par deux points. Premièrement, la science utile avec laquelle il a l'iman, la foi. Et deuxièmement, l'amal salih, les actions pieuses qui font également partie du iman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné de manière particulière après l'avoir mentionné dans la généralité de la foi pour montrer l'importance des œuvres dans la foi. Donc l'âme se réforme par ces deux choses-là, la science utile et les actions pieuses. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Ça c'est da'watu ila Allah. Ça c'est le fait d'appeler les gens à la vérité. Ce à quoi le prophète alayhi salat wa salam a appelé l'ensemble des mondes. Appeler les gens à adorer Allah seul d'un culte sincère, à obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à être doté des nobles caractères et de se purifier de toute mauvaise chose. Et celui qui emprunte ce chemin, ad-da'watu ila Allah azza wa jal, qui appelle les gens à Allah, il rencontrera sur ce chemin de nombreuses difficultés, de nombreuses épreuves. Quel comportement devra donc-t-il adopter à ce moment-là? Wa tawassaw bis-sabr. Na'am, l'endurance. L'endurance. Avec les deux premières qualités, il parfait sa propre personne. Avec les deux autres qualités, na'am, il réforme autrui. C'est-à-dire avec l'endurance, avec la prédication et le fait de patienter dans ce chemin. Et ces quatre points-là sont les étapes de l'effort. Tu dois faire des efforts dans la recherche de la science. Puis tu dois faire des efforts dans la mise en pratique de la science. Tu dois faire des efforts dans la transmission et la propagation de la science et de la vérité. Tu dois faire des efforts dans l'endurance pour supporter les difficultés du chemin de la vérité. Celui qui concrétise cela sera le meilleur. Plus la personne concrétise ces points-là, plus elle sera la meilleure. Et le grand savant, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, Tamimi, a commencé son livre, Thalathatul Usul, par ce rappel-là. Et il nous dit que c'est une obligation. Il nous dit que c'est une obligation pour chaque musulman que de connaître cela. Naam, il commence son livre en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, I'alam rahimakallah, annahu yajibu ala kulli muslimin ta'allum arba'i masail. Et il dit al-oula al-ilm wa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla thaniya al-amal bi ثالث الدعوة إلى الرابع الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى في الآسيتة سورة العصر في الآسيتة سورة العصر. Et parmi les points dans lesquels on se doit d'avoir science et mise en pratique, on se doit d'appeler les gens à la vérité puis d'endurer. C'est lorsqu'il y a des épreuves qui touchent la communauté et lorsqu'il y a des troubles, comme la tuerie qu'il y a eu ce matin. En période de troubles, on ne fait pas devancer les sentiments sur les textes et on ne s'empresse pas d'agir sans science. Mais al-mafza' ila Allah tabaraka wa ta'ala. Mais on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit prendre du recul. Par la suite, on doit questionner les gens de science pour savoir comment agir. Ça, c'est le comportement qu'il convient d'adopter en période de trouble. Et talibul ilm, as-sunni, et celui qui recherche la science et qui est sur la sunna, en temps de trouble, tu vois que son comportement est différent de la personne de la masse ou de la personne des gens des passions, naam, qui ne reviennent pas au Coran et à la Sunna pour savoir comment se comporter en période de trouble. En période de trouble, on prend du recul. En période de trouble, on cherche l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la réussite. En période de trouble, on demande à Allah azza wa jalla al-afiyah. On demande à Allah Azza wa Jal d'être préservé. En période de trouble, on retient notre langue. Jusqu'à ce que les savants parlent, alors on parle selon ce qu'ils disent. On transmet ce qu'ils disent. En période de trouble, les étudiants doivent revenir aux gens de science. Naam. Et transmettre pour faire le lien entre les gens de la masse et les ulama. Et transmettre ce qu'ils conseillent et ce qu'ils disent. Et il n'appartient pas à toute personne d'écrire des messages et de les propager. Il n'appartient pas à toute personne d'écrire des messages et de les propager. Et on a vu les conséquences et les erreurs commises lorsque ce point n'a pas été respecté. Lorsque ce point, c'est-à-dire le comportement adopté en période de trouble, n'a pas été respecté. C'est que toute personne, connue ou inconnue, ayant un lien avec la science ou non, s'est permis d'écrire et de propager. Que ce soit le contenu des journaux, que ce soit des images, que ce soit des vidéos, naam, il n'appartenait pas aux gens de faire cela. Nous ne sommes pas des journalistes pour propager toute information. Mais al-muslim, il regarde ce qui est profitable à la communauté, il le propage. Et ce qui n'est pas profitable, il ne le propage pas. Wala tasarra. Et il ne s'empresse pas lorsqu'il y a un événement. Il ne s'empresse pas lorsqu'il y a un événement. Cela ne fait pas partie du comportement du talib ilm, de celui qui recherche la science. Barakallahu fikum. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Et parmi les choses étonnantes, le fait de trouver que des frères propagent, subhanallah, des vidéos de tuerie. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-muslim, مكرم معزز عند الله سبحانه وتعالى حيا وميتا. Le musulman, il est noble, il est élevé et respecté et considéré, valorisé chez Allah subhanahu wa ta'ala de son vivant et après sa mort. De son vivant et après sa mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut le bien pour une personne, il met cela dans son cœur envers le croyant. Il met cela dans son cœur envers Mada, envers, dans le cœur du croyant, envers son frère. Tayyib. Le terme respecté, ne sachant pas s'il convient de le dire pour Allah subhanahu wa ta'ala à titre informatif, je ne vais pas le mentionner. Donc de propager des vidéos de tueries où on voit des musulmans sur le sol ou gisant dans le sang et ainsi de suite, ceci n'est pas convenable du tout. Ceci n'est pas convenable du tout. Et il y a beaucoup d'effets négatifs à agir ainsi. والله المستعان هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين ceci est un bref rappel et le rappel est profitable aux croyants. فنسأل الله سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين وهو العليم الحكيم اللطيف تبارك وتعالى أن يتغمدهم برحمته وأن يغفر لهم ولنا وأن يدخلهم الجنة ويصبر من تركوا من أهل وولد. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les couvrir de par sa miséricorde, de les élever en degré au paradis et d'accorder aide et assistance ainsi qu'endurance à leurs proches. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nous reprenons notre cours sur les pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des biographies, la biographie la plus riche, la plus profonde, la plus utile et profitable et même indispensable pour chaque personne parmi nous. Et plus la personne étudie cette biographie, plus elle aura connaissance de la croyance, des adorations, du comportement de son prophète, alayhi salatu wassalam, plus elle sera à même de le suivre, donc de se rapprocher, d'avoir une haute place chez Allah subhanahu wa ta'ala. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avions fini l'histoire de l'ouverture de la Mecque et de sa conquête. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, ou ce soir, nous allons étudier Ghazwatu Hunayn. Ghazwatu Hunayn, l'expédition de Hunayn. Hunayn étant un wad, une vallée pas très loin de la Mecque. Naam, ils disent une vallée, Naam, pas très loin de la Mecque. Et cela a eu lieu quelques semaines après l'ouverture de la Mecque. L'ouverture de la Mecque a eu lieu dans le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Alors Ghazwatu Hunayn a eu lieu dans le mois de Shawwal, le mois qui suit le mois de Ramadan. Lors de l'ouverture de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca 19 jours. Il est resté à Mecca 19 jours. La tribu de Hawazim et autres, parmi les grandes tribus arabes, dont le nombre est très conséquent, suite à l'ouverture de la Mecque, ils ont comploté, ils se sont réunis pour attaquer le prophète alayhi salat wa salam ainsi que les croyants. Hawazin fait partie des plus grandes tribus arabes et des plus savantes en technique militaire dans la guerre et autres. Et ils étaient très habiles dans le tir à l'arc. Ils étaient connus et se démarquaient par cela. Il y avait aussi Thaqif, la tribu de Thaqif, les gens de Taif. Et vous vous souvenez, lorsque le prophète alayhi salat wa salam est parti les inviter à l'islam, comment est-ce qu'ils l'ont accueilli? Ils ont mécru en lui. Ils ne se sont pas contentés de cela. Ils l'ont aussi agressé, envoyé leurs jeunes qui ont agressé le prophète alayhi salat wa salam et lui ont nui alayhi salat wa salam. L'imam al-Hakim rahimahullahu ta'ala rapporte de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, et ce hadith a été jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Hunayn après en avoir fini avec la conquête de la Mecque. Et celui qui avait réuni ses ennemis des différentes tribus se prénomme Malik ibn Auf. Al-Nasri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un éclaireur afin de s'enquérir des informations relatives à l'organisation de ces différentes tribus qui s'apprêtaient à déclarer la guerre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons. Il envoya Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami. Il lui a dit de se rendre auprès de ses tribus et de prendre les informations et de regarder leur état. Alors il est resté auprès d'eux durant un ou deux jours. Puis il est revenu et a informé le prophète alayhi salat wa salam de ce qu'il a trouvé et de ce qu'il a vu. Ils ont donc réuni, lorsque ce sahabi est revenu, il a dit au prophète alayhi salat wa salam qu'ils se sont réunis. Et ils ont réuni un grand nombre, au point de réunir leurs bêtes, leurs épouses et leurs enfants. Ils ont réuni tout le monde, leurs biens, leurs épouses et leurs enfants. Alors Omar ibn Khattab lui a dit « Kadhabt, tu mens ou bien tu te trompes ?» Et Abdullah lui a répondu « In kadhabtani, faqad kadhabta man huwa khayrun minni. » Il lui a dit « Si tu me démens moi, certes auparavant tu as démenti celui qui était meilleur que moi. » Il entendait par cela probablement Jabir ibn Abdullah. Naam, qui avait relaté l'information. Alors, yani pour expliquer cela déjà, probablement que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, devant la lourde information émanant de ce compagnon, a eu peur que certains parmi les compagnons s'affaiblissent devant cette information. Naam, s'affaiblissent devant cette information. C'est pour cela qu'il a prononcer ces mots. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar. Il a repris Omar, oh Omar, kunta dallan fahadak Allah. Tu étais auparavant égaré et Allah t'a guidé. Puis le prophète alayhi salatu wa sallam s'est préparé. Il a porté les vêtements de la guerre. Il a envoyé des compagnons à Mecca pour emprunter du matériel militaire, comme des armures, des armes et autres. Il a donc envoyé à Safwan ibn Umayya, il venait de conquérir la Mecque. Il a donc envoyé à Safwan ibn Umayya, avant son islam, avant qu'il se convertisse, radiallahu anhu. Et il lui a pris sans armure. Alors Safwan a dit, « Arasban, est-ce que tu me les prends de force? Tu me les ôtes ?» Il lui a dit, « Non, ça n'est qu'un emprunt. » Et par la suite, après Hunayn, il lui a remis cela, alors qu'il était en position de force. Sallallahu alayhi wa sallam, et Safwan s'est réjoui de ses nobles caractères, qu'il connaissait déjà en réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que tout le monde reconnaît. Il a également pris d'autres choses, d'autres personnes, comme Ya'la ibn Umayya, a pris 30 bêtes, 30 chameaux de sa part. Et ces gens-là se sont convertis. Na'am, ces gens-là par la suite se sont convertis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc dirigé vers Hunayn. Et il est arrivé le 10 du mois de Shawwal. Il est arrivé le 10 du mois de Shawwal. Quant au nombre de personnes dans l'armée du prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui sont venus pour Fathu Mecca, combien étaient-ils? Qui est-ce que se souvient? 10 000. Ahsant Yanis, jazakallahu khayra. Ils étaient 10 000. Ça, c'est pour Fathu Mecca. De Fathu Mecca, ils sont partis à Hunayn. Donc, forcément, ils vont être plus nombreux. Car il y a ceux qui se sont convertis et il y a ceux qui se sont alliés à. Ils étaient donc 12 000. Et ce fut l'armée la plus grande du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce jour. Ce fut l'armée la plus grande du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant jusqu'à ce jour. Anas ibn Malik radiallahu anhu dit qu'avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait 10 000 hommes plus ce qu'on appelait At-Tulaqa, les nouveaux de Mada, les nouveaux convertis de l'ouverture de la Mecque. Donc au total, des versions nous disent qu'ils étaient 10 000 plus At-Tulaqa qui eux étaient 2 000. Ce qui nous fait atteindre le nombre de 12 000. Et ce grand nombre a été source de tentation pour certains parmi les sahaba, radiallahu anhum. Au point où l'un d'eux a dit « La nourlaba min qilla » Anil a vu qu'ils étaient un très grand nombre. Donc que cela était synonyme ou gage de victoire. Naam, en comparaison avec les anciennes batailles, à la bataille de Badr, ils étaient environ 315 et ils ont battu près de 1000 hommes. Et ce fut toujours ainsi durant les batailles. Alors là, ils se sont vus 12 000 hommes. Ce qui a fait dire à ce compagnon, radiallahu anhu, cette parole. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a repris dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'a repris dans le Coran. Car lorsque une personne faute, quel que soit son rang et sa noblesse, na'am, il faut reprendre cette personne et la corriger. Et sahaba radiallahu anhum n'était pas infaillible. Na'am, seul le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était ainsi. Mais ce sont les meilleurs des hommes, les plus pieux, on ne les mentionne qu'en bien. Et lorsqu'ils commettaient des fautes, ils revenaient, ou ils recevaient le conseil, et ils revenaient, et ils se conseillaient mutuellement. Et c'était une chose connue auprès d'eux, et celui qui a étudié As-Sira, tous ces cours-là, a vu de nombreux exemples. Et cette parole n'a pas été prononcée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni par Abu Bakr, ni par Omar. Naam. Mais on voit dans le Coran qu'une personne a prononcé une parole semblable. Quant aux textes ou aux hadiths qui sont venus, il y a des faiblesses. Hawazin s'est préparé pour combattre le prophète alayhi salat wa salam avec d'autres tribus comme Ratafa, des grandes tribus arabes. Ils ont préparé des cavaliers avec leurs chevaux. Ils ont préparé des chameaux. Ils ont préparé des lances, des flèches. Ils ont préparé un lourd armement. Et ils ont emporté avec eux femmes et enfants. Le tout pour terroriser les musulmans. Le tout pour terroriser les musulmans. Et ils ont agencé les bataillons de sorte à mettre les cavaliers devant, puis les hommes armés ensuite, puis le reste de ceux qui étaient présents, pour augmenter leur nombre dans la vue du musulman, pour augmenter leur nombre dans la vue du musulman. Et lorsque les compagnons ont dit, ou certains ont dit, nous n'avons jamais vu de djeish, d'armée plus grande que celle-ci, et qu'ils ont réuni ceci et cela, et leurs biens, et leurs richesses, et leurs enfants, et ainsi de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle aux croyants et a souri, et a dit, « Tilka ghanimatul muslimin, radan insha'Allah. » Voici le butin des musulmans demain, si Allah le veut. Si Allah le veut. Et ce hadith est rapporté dans le recueil d'Abu Daoud, rahimahullah, sur le hadith de Sahl ibn Hanzala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à son emplacement, puis il y a eu l'heure du Isha. Ils ont donc accompli la prière. Et il a dit, qu'est-ce qui va monter la garde cette nuit? Alors un homme qui s'appelle Anas ibn Marthad, avec un fa comme al-tharid, comme al-thawb. Anas ibn Marthad al-Ghanawi. Ce noble compagnon, radiallahu anhu, s'est proposé pour monter la garde cette nuit. Il a donc dit, Ana ya Rasulallah. Le prophète alayhi salat wa salam lui a dit de se mettre sur sa monture et d'observer une position précise dans un endroit précis. Et il lui a dit de ne pas bouger de cette position. Arrivé au matin, ils ont fait sunnat al-fajr. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé des informations concernant l'ennemi. Puis il y a eu l'iqama. Et ils ont prié Salat al-Fajr, qu'on appelle aussi Salat al-Subh. Naam. Ils ont donc accompli la prière. Pendant la prière, le prophète, alayhi salat wa salam, il tafat. Il a comme regardé en direction de l'emplacement dans lequel ou sur lequel il avait ordonné aux compagnons de se mettre. Puis il a fini sa prière. Et c'est alors que ce compagnon est arrivé et a informé le prophète alayhi salat wa salam de la situation. Le prophète sallallahu alayhi wa salam lui a dit, est-ce que tu as bougé de ta position cette nuit? Il lui a dit non au messager d'Allah. Si ce n'est illa li salah ou li qada'i hajj. Allahu akbar. Il lui a dit non au messager d'Allah. Si ce n'est pour prier ou effectuer des besoins. Si ce n'est pour prier ou faire des besoins. Subhanallah. Dans cette situation difficile, après avoir su le nombre qu'ils étaient, et la préparation et le lourd armement qu'ils avaient, ce dernier dit, je n'ai pas bougé de ma position. Si ce n'est pour faire la salat, pour prier ou pour un besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réjoui et lui a dit, قَدْ أَوْجَبْتَ. Naam, cela te revient de droit. Qu'est-ce qui te revient de droit? C'est-à-dire le Jannah, le paradis. Naam. Et il lui a dit, قَدْ أَوْجَبْتَ, c'est-à-dire le paradis. فَلَا عَلَيْكَ, yani, plus rien ne te nuira après ce que tu viens de faire cette nuit. أَلَّا تَعْمَلَ بَعْدَهَا, yani, plus rien ne te nuira après ce jour, après ce que tu viens de faire. Mais malgré ça, sahaba radiallahu anhum n'étaient pas des gens qui se contentaient de leurs actions passées, ni des gens qui avaient une bonne opinion d'eux-mêmes et qui pensaient avoir les meilleures des actions auprès d'Allah. Non. Ils étaient comme Allah dit dans le Coran. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Ceux qui donnent de ce qu'ils donnent, ceux qui dépensent, ceux qui font de bonnes œuvres, et dont les cœurs sont effrayés du fait qu'ils vont revenir vers leur Seigneur, dont les cœurs sont remplis de crainte, car ils vont revenir vers leur Seigneur. Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a entendu ce verset, elle a dit à Rasulallah, est-ce que cela fait référence aux hommes, aux gens qui volent, qui boivent de l'alcool, qui commettent l'adultère? Il lui a dit, là, Yabnat al-Siddiq. Il lui a dit, non, toi, la fille du très véridique. Mais il s'agit plutôt de ceux qui font de bonnes actions, plus ils ont peur qu'Allah ne les accepte pas. Ils ont peur qu'Allah ne les accepte pas. C'est ainsi qu'étaient sahaba, ils unissaient entre les meilleures des actions et la peur qu'Allah n'accepte pas cela d'eux, de par leur grande connaissance d'Allah Azza wa Jal, de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc de ce qu'il mérite comme adoration. Ce grand nombre a été source d'épreuves pour les compagnons par la suite. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit, وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. وَيَوْمَ حُنَيْنِ, c'est le jour duquel nous parlons. يَوْمَ حُنَيْنِ, c'est le jour duquel nous parlons ici. Allah vous a déjà secouru en maintes endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite, bien étroite. Puis, vous avez tourné le dos en fuyant. Ça, c'est une partie de la bataille. Ça, c'est une partie de la bataille. Concernant le sahabi, j'ai dit Anas ibn Marthad, c'est Anas ibn Abi Marthad. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne un passage de la bataille de Hunayn. C'est qu'un compagnon a vu que devant leur grand nombre, ils n'allaient pas perdre. Or Allah subhanahu wa ta'ala veut du croyant qu'il ne se base jamais sur la quantité, sur le nombre, mais qu'il compte toujours sur Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. En chemin, il y a eu un événement majeur. Abu Waqid Al-Layth, radiallahu anh, fait partie de ceux qui se sont convertis lors de l'ouverture de la Mecque. Les frères, il y a un camion devant la mosquée qui gêne. Il y a une voiture, ils sont devant la mosquée en double fil. Celui qui s'est garé juste devant, Naam, il déplace sa voiture. Et pareillement pour le propriétaire du camion, barakallahu fikum. Abu Waqid Al-Layth, radiallahu anhu, fait partie de ceux qui se sont convertis lors de l'ouverture de la Mecque. Ils étaient donc tout nouveaux dans l'islam. Et ils venaient toujours tout juste de sortir du polythéisme. Il nous raconte, il dit « Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunayn wa nahnu hudafa'u ahdin bi kufr » Nous sommes sortis en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que nous venions tout juste de sortir du polythéisme. Ils étaient tout nouveaux en islam. Pourquoi est-ce qu'il commence le hadith de la sorte? Pour mentionner l'excuse de ce qu'il va citer plus loin. Donc il introduit le sujet ainsi. Il dit « Walil mushrikin sidratun » Les associateurs avait un grand jujubier. C'était un arbre vert, yani un arbre immense. Yanu ya'kufuna 'inda wa yanutuna 'alayha aslihatahum. Ils y accomplissaient la retraite spirituelle, c'est-à-dire qu'ils venaient rester un temps, ils se recueillaient. Na'am. Et al-i'tikaf, c'est une adoration. Naam, wa antum aakifin wa aakifuna fil masajid. L'i'tikaf, c'est une adoration. Le Prophète a pratiqué l'i'tikaf. Ses épouses ont pratiqué l'i'tikaf. Les compagnons ont pratiqué l'i'tikaf. Le fait de rester au masjid, naam, cela se faisait principalement durant le mois de Ramadan. Et encore plus particulièrement dans les 10 dernières nuits de Ramadan, en recherchant l'Aylatul Qadr, en se déchargeant de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tout comme le musulman fait l'i'tikaf dans le masjid, il se coupe des gens pour se consacrer à l'adoration d'Allah, eux faisaient l'i'tikaf auprès de cet arbre. Et ils y suspendaient leurs armes. Ils suspendaient leurs armes aux branches de cet arbre. Yuqalu lahu dhat anwaq. Anwaq jam'u nawq wa huwa at-ta'liq, ay dhatu at-ta'aliq. Cet arbre était surnommé Zatu Anwaq, c'est-à-dire celui sur lequel on suspend. Anwaq, c'est le fait de suspendre. On a surnommé cet arbre Zatu Anwaq de par la multitude de ce qu'ils y suspendaient. Pourquoi? À la recherche de la bénédiction, à la recherche de la baraka. Est-ce que c'est compris? Donc les associateurs faisaient entre autres deux adorations auprès de cet arbre. La première, l'i'tikaf, la retraite spirituelle. La deuxième, la recherche de la baraka. Ils avaient comme conviction qu'en accrochant leurs armes à cet arbre, leurs armes allaient devenir plus tranchantes, plus fortes au combat. Ils allaient être plus forts contre l'ennemi. Et tout cela entre dans le shirk. Tout cela entre dans le shirk. Al barakatu min Allah. La bénédiction, elle émane que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui barik, qui rend béni une chose, c'est que Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de bénir certaines personnes. Dans sourate Maryam, wa ja'alani mubarakan aina ma kunt. Et il m'a rendu béni où que je sois. En parlant de qui? Isa ibn Maryam alayhi salam. Il a décidé de bénir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui accorder une baraka particulière, al barakatu dhatiyya. Il était béni lui-même, dans son être il était béni, sa saline, ses cheveux et autres. Naam. Waterbury là, Wolof. Il fait avec les camions là, c'est pas la première fois. Vendredi dernier, il a garé comme ça encore. Il ne voulait pas montrer qui c'est moi. Ce qu'il m'a montré, c'est lui. C'est pour ça qu'il a de grâce. Mais c'est pas bon, il ne faut pas donner les programmes sur la mosquée. Ouais, les frères, c'est pas bien. Concernant le stationnement, ça amène des problèmes au masjid. Le vendredi particulièrement. Et c'est un problème récurrent, donc il faut y mettre fin, barakallah fikoum, parmi la noblesse de notre religion, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam nous ait enjoint de nous acquitter des droits du chemin et qu'il ait annoncé la bonne nouvelle d'une grande miséricorde d'Allah azza wa jal sur certaines personnes parce qu'ils ont juste enlevé une chose qui gênait le chemin. Attaqullah rahimanillah wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla a décidé de bénir certains endroits, certains moments, comme le mois de Ramadan, certaines nuits, comme les nuits de Ramadan, comme les Laylatul Qadr, certains jours, comme les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, certains endroits, comme Al-Masjid al-Haram, Al-Masjid al-Nabawi, Subhanallah, asra bi'abidihi layla min Al-Masjid al-Haram ila Al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlah. Al-barakatu min Allah. La bénédiction, elle émane d'Allah uniquement. Personne ne peut rendre une chose bénie. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala. On doit donc rechercher la bénédiction chez Allah. En faisant les causes légiférées. Il n'est pas permis de chercher la bénédiction. Alors qu'Allah azza wa jalla ne nous a pas montré cela, ne nous a pas légiféré cela. À travers l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Certains cherchent la bénédiction en venant près d'une tombe d'un pieu et ils font du'a. Ça, c'est un égarement évident. Certains cherchent la bénédiction en portant un bracelet en fer. Ils disent ça c'est bon sur la peau. Ça c'est un égarement. Certains cherchent la bénédiction en se frottant à un mur ou en allant dans telle source d'eau, dans tel pays. Tout cela est égarement. Et significatif de grandes lacunes dans l'étude de la croyance authentique. Al-Baraka, c'est quoi? Al-Baraka, kathratul khayri fi shay, nama'uhu wa thabatuhu wa dawamuhu. Wa in shi'ta qult, thubutul khayri l'ilahi fi shay. Al-Baraka, c'est quoi? C'est un concentré de bien qu'Allah met dans une chose. Il la met de manière continuelle, ou bien allongée, ou bien durable. Il augmente le bien dans cette chose et c'est durable. Et de cela, on a appelé la flaque d'eau al-birka. Naam. Al-baraka, elle s'obtient en suivant le prophète alayhi salatu wassalam. Quant à celui qui s'éloigne de la voie du prophète alayhi salatu wassalam et qui suit le bid'a ou le muhdathat ou ahlaha, alors lui il va s'égarer, il n'aura pas de baraka. Al baraka fi sunnah, al baraka fi l'ittiba'. Al Qur'an mubarak. Et celui qui étudie le Qur'an et qui applique le Qur'an, Allah azza wa jalla le bénit. Pas une bénédiction d'essence qui fait qu'on peut se frotter à lui ou autre, non. Ou prendre de sa salive ou de ses cheveux ou autre, non. Ça c'est que pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est béni dans son être. Ça c'est que pour lui. Ses cheveux sont bénis. Quand il se coupait les cheveux, il prenait de ses cheveux. Sa salive est bénie. Il tentait de prendre de sa salive. Et ainsi de suite. Lorsqu'il crachait, il prenait de sa salive. Par contre, autre que lui, non. Les compagnons n'ont pas fait ça avec Abu Bakr, ni avec Omar, ni avec Osman, ni autre. Donc ce sujet est très subtil, il faut l'étudier et faire attention aux transgressions qu'il y a. Particulièrement de par le caractère répandu du tasawuf, du soufisme. Naam, qui ont de nombreuses fautes dans ce domaine et dans bien d'autres. Wallahu musta'an. Et bihamdillahi azza wa jal, la sunna s'est propagée. Le tawhid s'est propagé, les gens commencent de plus en plus à connaître et à comprendre la vérité. Les nouveaux convertis, lorsqu'ils ont vu les associateurs se comporter ainsi face à cet arbre, ils ont dit, Ya Rasulallah, ij'al lana dhata anwaq kama lahum dhatu anwaq. Ô messager d'Allah, accorde-nous à nous aussi un arbre dhatu anwaq comme eux ont un arbre dhatu anwaq. Alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis dans une grande colère. Et il a dit Subhanallah. Et dans notre version, Allahu Akbar. Innaha sunan. L'histoire se répète. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Vous avez dit par celui qui détient mon âme dans sa main. Mithla ma qalat banu Israël. Comme on dit banu Israël, li Moussa à Moussa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Accorde-nous à nous une divinité, tout comme eux ont une divinité. La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Puis il a appuyé sur le fait que vous allez suivre les traditions, les voies de ceux qui vous ont précédé avant. Pas à pas, en pan, yani coudé après coudé, en pan après en pan, wahak. Dans une version, même s'ils entrent dans le trou, ou dans un hadith, même s'ils entrent dans le trou dans les arbres, vous le ferez également. Dans certains hadiths, même si l'un d'entre eux commet l'acte avec sa propre mère, on trouvera dans ma communauté celui qui fera cela. Subhanallah. المسلم يتمسك بدينه لا يقلد غيره له قرآن له القرآن وله السنة والعلماء أحياء موجودون بحمد الله تبارك وتعالى وعلمهم منتشر بفضل الله وطلابهم يعلمون ويدرسون فعلينا أن نتمسك بديننا ونعتز بهذا الدين. Tu as un livre, c'est le Coran. Tu as sunna, la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants de la sunna sont présents et vivants, et leur science est propagée, et leurs élèves présents, ils enseignent, ils transmettent. Tu as une religion, tu dois en être fier et t'y cramponner, et ne pas la lâcher pour te diriger vers autre chose de moins bien forcément, ou de forcément moins bien. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Subhanallah pour blâmer leur acte. Et par étonnement devant cette parole gravissime, et pour montrer la gravité de cela, pour leur faire peur de la déviance, puis il a comparé leur action à l'action de Banu Israël et leur parole à la parole de Banu Israël à Moussa alayhi salam. Bien que la parole ne soit pas semblable et que la conséquence pareillement, mais ce qui compte, c'est la réalité, le fond des choses, non pas les simples mots. Et ici, il y a un point très important. C'est que eux étaient nouveaux en islam. Et c'est la cause de leur demande. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'étudier la croyance bien en détail. Et de cela, tu tires la grande peur de tomber dans des points du polythéisme sans le savoir. Dans le cas où la personne ne reviendrait pas au savant. Contrairement à ce qu'ont fait ici les sahaba, radiallahu anhu. Donc le musulman ne doit jamais se sentir à l'abri. Ces gens-là font partie des sahaba, des nouveaux convertis. Non. Pourtant, ils ont demandé une chose au prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète les a sévèrement repris. Non. C'est ainsi qu'agit celui qui a de la miséricorde envers la communauté. Il a peur pour eux des erreurs, particulièrement des plus graves. Le deuxième point, c'est que sahaba n'ont pas commis un shirk, mais ils ont posé la question au prophète alayhi salatu wassalam, et ont demandé la permission au prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il les a blâmés, lorsqu'il leur a interdit cela, ils se sont abstenus. Ils se sont abstenus, donc ils n'ont pas commis le polythéisme. Ça, c'est deux points qu'il faut souligner. La gravité et la dangerosité du polythéisme, et que certaines de ces formes peuvent être ignorées par une partie de la communauté. Le deuxième point, sahaba ne sont pas tombés dans le polythéisme, mais ils ont posé la question, ils ont demandé, le prophète leur a interdit, ils se sont abstenus. Ah, kadabarakallahu fikum. Celui qui ignore une chose, il demande à ceux qui savent. On voit la baraka de revenir aux gens de science et l'importance de questionner lorsqu'on ne sait pas. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son livre, si mes souvenirs sont bons, Irafatul Lahfan, nous dit, en commentant ce passage, si le simple fait de rester auprès d'un arbre a été considéré comme adoré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils accrochaient leurs armes et faisaient l'i'tikaf, sans adorer directement cet arbre, que dire alors de ceux qui se dirigent auprès des tombeaux, des saints et des morts? Que dire alors de ceux qui se dirigent auprès des tombeaux, des saints et des morts, et ils leur demandent, en pensant que c'est bien de faire la retraite spirituelle auprès de ces tombes, auprès de ces morts, et en pensant qu'il y a le bien là-bas, et ils y invoquent, et ils font dua à cet endroit, et ainsi de suite. Et certes, le trouble est incomparable entre le fait de rester auprès du saint et le fait de rester auprès d'un simple arbre. Le fait de rester auprès du saint, la tentation, elle est bien plus grande, et la dangerosité, elle est bien plus grave. Si le prophète a dit cela juste pour l'arbre, que dire alors de ceux qui vont auprès des morts et auprès des saints? Certaines personnes voyagent même dans certains pays d'Afrique et du Maghreb et ils disent il y a le wali foulan, il y a le maula foulan, il y a le wali untel, il y a le saint untel, saint wali. Tu ne peux pas avoir d'enfant, il y a un wali là-bas. Tu vas et tu te frottes à cet endroit, tu prends de la terre de cet endroit ou tu fais dua à cet endroit. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant, il y a la source d'eau dans tel endroit. La source d'eau dans tel endroit, tu vas et tu te baignes dans cette source d'eau. Il y a tel arbre, tu vas et tu restes auprès de cet arbre et tu sacrifies un mouton. Et tu ramènes un coq à un tel et tu fais « Kullu hadha dalal ». Tout cela est égarement. Et tout cela, la religion de Kuffar Quraysh, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu interdire, bannir, est venu épurer, corriger sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai oublié, Ibn al-Qayyim dit à la fin, si seulement les gens du polythéisme et de la bid'a savaient. Il a conclu lorsqu'il fait la comparaison entre eux et ceux qui viennent auprès, ceux qui venaient auprès des arbres. Puis la bataille a commencé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur sa monture qu'on appelle, qui c'est la monture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ce jour-là? Et comment est-ce qu'elle s'appelle? Yabarla. Quel était son prénom ou quel était son nom? Salim. Yanis. Même toi, Yanis, tu sais pas? Naam. Doul. Notez. Doul. C'était le barla du prophète alayhi salatu wassalam qui était blanche. Il y avait avec lui son oncle Al-Abbas et son cousin Ibn al-Harith, Abu Sufyan, radiallahu anhu. Et au début de la bataille, les musulmans l'ont emporté. Mais par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala décréta une épreuve pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ » Il y a plusieurs causes qui ont causé cette faiblesse. Au début, ils emportaient la bataille. Ils gagnaient le combat. Mais Hawazin ont fait une maquida. Comment est-ce qu'on va dire en français? Une ruse. Une ruse. Naam. Lorsque les musulmans sont arrivés plus profondément dans la vallée, ils ont trouvé le butin. Et eux ont fui. Alors ils ont commencé à prendre du butin. Et d'un coup, une pluie de flèches s'est abattue sur les musulmans et elle ne ratait personne. C'est-à-dire elle ne tombait pas comme ça au sol et ainsi de suite. Ça les touchait. Une pluie de flèches. Et ils étaient très habiles, comme on l'a mentionné, au tir à l'arc. Alors des musulmans ont commencé à fuir. Et les différentes tribus ont commencé à revenir, à prendre et gagner du terrain. Alors certains ont pris la fuite. Certains ont pris la fuite. La première cause, on l'a mentionné, c'est qu'un a dit, nous sommes nombreux, on ne sera pas battu. La deuxième cause, c'est cette ruse. La troisième cause, c'est que beaucoup parmi les nouveaux convertis et les Arabes, les Bédouins, ont pris la fuite. Ça a donc affaibli le cœur de l'armée. Ça a donc affaibli le cœur de l'armée. Et la situation fut comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans ce verset. Le prophète alayhi salatu wa salam, lui, comme l'a dit le Bara radiallahu anhu et d'autres, il n'a pas fui. À un point tel que certains ont dit par un moment il s'est retrouvé seul ou avec peu de personnes, selon les différents moments. Il y avait avec lui qui ne le quittait pas, l'Abbas, son oncle. Et Abu Sufyan ibn al-Harith, son cousin. Ce dernier, comme si vous vous souvenez à la bataille de la Ghazwat Mecca, à l'ouverture de la Mecque, ce dernier que le prophète ne voulait pas voir. Et par la suite, il l'a accepté, suite à l'intercession d'une de ses épouses, puis il est devenu un des nobles compagnons. Et dans cette bataille, la bataille de Hunayn, ça a été un des plus braves. Il a été un des plus braves. Donc quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui est resté très ferme. Et il fut comme à son habitude le plus courageux des hommes et le plus fort d'entre eux, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait à ses côtés Al-Abbas qui ne le quittait pas, qui tenait sa monture car elle s'avançait trop. Et il y avait de l'autre côté son cousin Abu Sufyan ibn al-Harith radiallahu anhu. Lorsque les gens commençaient à fuir et Al-Abbas avait une voix très portante, le prophète sallam lui a dit: appelle Al-Muhajiri. Alors il a crié au vous les Muhajiri. Appelle les Ansar. Alors il a crié au vous les Ansar. Il a dit: appelle Ashabu Al-Shajara Ahli Ridwan. Appelle les gens qui ont prêté allégeance Al-Hudaybiyah. Et Al-Abbas appelait ces gens-là. Puis il a appelé des tribus particulières de l'Ansar. Et à chaque fois qu'il les appelait, ils répondaient et ils venaient. Donc, après avoir fui non loin, ils sont revenus petit à petit. Et l'armée du prophète, alayhi salatu wassalam, s'est reconstruite. Et les musulmans se sont renforcés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a invoqué Allah. Et a demandé le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a élevé sa voix et il s'avançait seul devant l'ennemi. Et il disait: Ana Muhammad ibn Abdillah, Ana Nabiyun la Kadib, Ana Abdul Muttalib. Il disait: je suis Muhammad le fils de Abdullah, je suis un prophète et je ne suis pas un menteur. Il disait: Ana Abdullah wa Rasuluh, je suis le serviteur d'Allah et son messager. Donc cela montre le grand courage du prophète alayhi salatu wassalam, car il montrait sa position et il élevait sa voix alors qu'il était en face de l'ennemi. Les associateurs sont donc sortis et tentaient de toucher le prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait Umm Sulaym parmi les femmes, subhanallah, radiallahu anha, qui avait une dague. Et Hussein lui a dit, que fais-tu là? Lui a dit, si un d'entre eux s'approche de toi, je les toucherai de cela. Et lorsqu'elle a vu At-Tulaqa, les nouveaux convertis, certains se sauver, elle s'est montrée sévère à leur égard et a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de les punir. Mais le prophète alayhi salam lui a dit, quant à Allah, il nous a suffi, et il nous a accordé du bien. Donc, le combat fut très difficile de parts et d'autre. Et lorsque beaucoup ont fui, Salama ibn al-Aqwa, radiallahu anhu, duquel nous avons beaucoup parlé, lui a avancé. Et un homme parmi les associateurs est venu vers lui, mais il l'a visé de ses flèches, puis il est parti. Par la suite, à une autre position, il y a eu un grand combat entre les associateurs et les musulmans. Et là, les musulmans sont partis. Et Salama, parmi eux, et avec eux, est parti. Puis il a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam, et il était triste parce qu'ils ont, yani, ils ont perdu. Salama a dit de lui-même, je suis parti mon haziman. Yani, j'ai perdu. Quant au prophète, alayhi salatu wassalam, sachez qu'il n'est pas permis de dire qu'il a perdu. Il n'a jamais perdu, le prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'a jamais perdu. Et cette parole-là, elle est gravissime. Jamais on ne l'a dit. Quant à Salama radiallahu anhu, lorsqu'il a dit cela, il faisait référence à lui-même lorsqu'ils se sont repliés dans leur position. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne faisait que s'avancer. Et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bara nous dit qu'il restait pratiquement personne avec le prophète alayhi salatu wa sallam, si ce n'est un homme qui s'appelle Zayd, ou plutôt Buraïda. Buraïda, comme l'a rapporté le Bazar, dit qu'il ne restait personne avec le prophète alayhi salatu wa sallam, si ce n'est Zayd qui tenait les rênes de sa monture. Anas nous dit que le jour de Hunayn, les gens se sont éloignés du prophète alayhi salatu wa sallam, et il ne restait avec lui que l'Abbas et Abu Sufyan ibn al-Harith, donc son oncle et son cousin. Dans un autre hadith, il ne restait avec lui qu'un rahq. Al-rahq, c'est al-jama'at dun al-ashr. Al-rahq, en arabe, c'est-à-dire un groupe de moins de 10 personnes. Il y avait parmi eux Abu Bakr Omar, il y avait parmi eux Ali ibn Abi Talib, parmi les gens de sa famille, Al-Abbas, le fils de l'Abbas, Al-Fadl, ibn al-Abbas, radiallahu anhu. Il y avait Ma'az Abu Sufyan ibn al-Harith, Naam, et encore d'autres parmi la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait Usama ibn Zayd également, radiallahu anhu. Tous ces gens-là sont restés fermes, ils étaient environ 80, comme c'est venu dans un hadith. Dans un autre texte, on trouve qu'ils étaient près de 20. Donc l'armée c'est près de 100, pardon. L'armée s'est donc reconstruite. Le prophète alayhi salatu wassalam, quel fut son comportement durant cette bataille? Al-Luju ilallah, al-Dua. Et il s'est avancé devant tout le monde. Et sa monture n'est pas une monture qui permet d'aller vite. Naam. Donc c'était l'homme le plus courageux, sallallahu alayhi wa sallam. Il prononçait son nom afin qu'on sache que c'est lui. Il s'avançait. Et ça montre qu'il avait pleinement confiance en la promesse d'Allah. Et qu'il comptait pleinement sur Allah Azza wa Jal et qu'il ne craignait personne en dehors de lui. Et il faisait dua, Allahumma nazil nasrak. Ou Allah, fait descendre ton secours, comme l'a rapporté l'imam Muslim. Et Ma'adha, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah, si ces gens meurent, tu ne seras plus adoré. Naam, pourquoi? Parce qu'il y avait toute l'armée, il y avait la plupart des musulmans. Quant aux gens de la Mecque, il y avait certains parmi les nouveaux musulmans. Naam, wa hakadha. Al-Abbas et Ibn al-Harith sont montrés également très courageux. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est avancé, il a pris du sable ou des pierres et il a visé l'ennemi. Et il a dit shahatil wujuh. Et il a fait dua contre eux. Il n'y a pas une personne qui a reçu de cela sans qu'il, par la suite, il n'ait pris la fuite. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont faibli. Plus tard, ils se sont sauvés. Ils se sont sauvés. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les croyants. Et il a mis les associateurs en déroute. Les Ansar et les Muhajirun sont revenus autour du prophète alayhi salatu wassalam avec leurs épées. Et ils ont élevé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ceux qui se sont démarqués après l'Abbas, après avoir mentionné Abu Sufyan, Ibn al-Harith et d'autres, il y a Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib était un des plus forts parmi les Sahaba radiallahu anhum. Et c'est lui qui a fait tomber le détenteur de l'étendard chez les associateurs qui était sur sa chamelle. Ali ibn Abi Talib s'est avancé avec le plus grand courage. Et il y avait à ses côtés Jabir ibn Abdillah. Tous deux se sont avancés. Ils ont poignardé la chamelle est tombée. Puis ils se sont emparés de celui qui tenait l'étendard, Naam, et ils ont mis fin à sa vie. Puis les associateurs ont pris la fuite. Allah subhanahu wa ta'ala a secouru les croyants. Lorsque le prophète a vu Abu Sufyan ibn al-Harith, il a dit, qui est cet homme? Il a dit, Ana ibn Ummik, je suis le fils de ta mère, c'est-à-dire de ta grand-mère. Naam. Hakaza, c'est ainsi que se sont comportés sahaba radiallahu anhum. Pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la tranquillité, la sérénité qu'il leur a donnée. Il a même fait descendre les anges qui ont combattu avec les croyants et ont mis en déroute les associateurs. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adhaba alladhina kafaru. Puis Allah a fait descendre sa sérénité ou sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants, et il a fait descendre une armée que vous ne voyez pas, c'est-à-dire les anges. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé at-tawhid et a mis en déroute le polythéisme et ses adeptes. Wa sallallahu ma barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.